projet de recherche sur les chansons compte rendu réel 23 octobre 2015. Inventaire d'objets 1. Pratique sociale de la chanson ex-mariage karaoké meeting 2. Les chansons qui disent l'industrie culturelle ex-France Gall, Buggles 3. Problématisation de la variété française ex-presse du 19e siècle. Émission de variété récit de nation. ORTF. Les Carpentiers, Drucker, Mireille et le Petit Conservatoire, la chance aux chansons, conception patrimoniale, 4, showbiz musical et politique, ex, les playlists présidentielles, les goûts des candidats et première dame plus figure hybride, ma mère, tapis, Sarkozy R. 5. Analyse littéraire des chansons. Ex-rapport parolier-interprète. Langage-figure. Qu'est-ce qu'écrire pour X ou Y vedette? À quoi ça tient? 6. Le devenir des comptines. Ex-tradition orale. Fixation d'un canon transgénérationnel. Domaine public. Exploitation sur YouTube. 7. L'imaginaire du talent. Ex-performance. Incarnation. Question politique. Jugement. 8. Dépendance audiovisuelle, ex-rythme de montage, correspondance des looks, pochette, session de clip, grimace hégémonique, en faire trop, 9 étiquetage de la chanson, ex-chanson à texte, chanson populaire, chanteur à minette, 10. Qu'est-ce qu'un hymne générationnel ex? Rhétorique, repère, historicisation, hypothèse sur les chansons 1. Les chansons sont très affectives. On n'aime pas, on cherche refuge dans une chanson 2. Une chanson est soumise à une dialectique usure, non usure. On n'entend plus une chanson plus qu'on ne voit un film. 3. La relation à la chanson dépend du rythme auquel on l'écoute. Certains économisent, d'autres écoutent en boucle. 4. Parler du rapport à une chanson relève de l'intime et de l'avouable. 5. Tu m'as mis une chanson dans la tête. La chanson est le seul objet vraiment contagieux. 6. La chanson est difficile à dire. Ce genre de chanson, genre années 70, genre 7. L'héritage est un mystère. On connaît par cœur les chansons d'une autre décennie. 8. Les chansons seraient générationnelles. Mais qu'est-ce qu'un hymne générationnel? 9. On peut avoir des souvenirs de la première découverte d'une chanson, du moment où elle devient un hit, etc. 10. Certaines chansons concentrent l'air du temps, traversent les époques et jouent à être la beau d'une vie.